الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Toujours dans la traduction, l'explication du livre Umdatul Ahkam, une explication de Sheikh Mohammed Abdullah al-Bassam rahimahullah ta'ala. إذن حديث سمي من يقرأه على مسامعنا. Qui se porte volontaire pour nous le réciter. Pardon. بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون بعد دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت لقد قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33 فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله 33 حتى تبلغ من جميعهن 33 رواه مسلم البخاري. أحسنت بارك الله فيك. وقال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 127 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم توني بأن بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي رواه البخاري ومسلم. Le 127e hadith. Selon Aisha radiallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans une khamisa. On verra par la suite que c'est un tissu carré qui avait des traits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté un regard sur ces traits. Et lorsqu'il a terminé sa prière, il a dit, c'est-à-dire à ses compagnons, prenez cette khamisa et rendez-la à Abu Jahm et apportez-moi la anbijaniyah qui est un tissu épais souvent en laine et apportez-moi la anbijaniyah de Abu Jahm car elle m'a distrait ou elle vient de me distraire dans ma prière. Elle vient de me distraire, c'est-à-dire là le tissu carré et non la ambijaniya. Gharib al-hadith. Khamisatin laha a'lam kisa'un murabba' mukhattatun bi alwan mukhtalifa. Wa qala ibn al-Athir hiya thawb khizzin aw suf mu'allam. Wa qila la tusamma khamisa illa an takuna sawda'a mu'allama. Premièrement, al-khamisa qui a des traits. Al-Khamisa qui est un tissu forme carrée qui comporte des traits et il peut être de différentes couleurs. Et Al-Imam ibn al-Athir rahimahullah ta'ala, a dit, c'est un vêtement de khaz, qui est une matière mélangée entre de la soie et de la laine, et d'autres ont dit que c'est un vêtement de laine, mais qui comporte des traits. Et il a été dit également que Al-Khamisa ne peut être appelé Khamisa que lorsqu'elle est noire et avec des traits. Donc on retient de cela que c'est un tissu carré qui peut être de différentes couleurs et qui comporte des traits. Thaniyan, Al-Anbijaniya, Kisa'un Ghalid. Al-Anbijaniya, Kisa'un Ghalid, ليس له أعلام وهي بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الباء الموحدة وبعد الألف نون مكسورة وبعدها ياء مشددة ثم تاء التأنيث منسوبة إلى بلد تسمى أنبجان وقد وردت هذه الكلمة بفتح الباء وهي نسبة على غير قياس إلى منبج البلد المعروف في بلاد الشام ومثلها منبجاني وهي كساء من الصوف له خمل وليس له علم وتعد من أدون الثياب الغليظة. الأنبجانية est un vêtement épais qui n'a pas de trait, c'est-à-dire qui est de couleur unie. Et ce vêtement est appelé Anbijaniya, ceci en référence à une ville appelée Anbijan. Et ce mot est aussi prononcé avec une fatha sur le bas en disant Anbijan au lieu de Anbijan, qui cette fois-ci fait référence à une ville appelée Manbaj dans la région du Sham. Et c'est un vêtement de laine qui comporte une sorte de plume de duvet ou en forme de velours à sa surface et qui ne comporte pas de traits. المعنى الإجمالي أهدى أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام وكان من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية جبرا لخاطر المهدي فقبلها صلى الله عليه وسلم منه وصلى بها ولكونها ذات أعلام يتعلق بها النظر ألهته صلى الله عليه وسلم عن كامل الحضور في صلاته وهو عليه الصلاة والسلام كامل لا يصدر عنه من الأعمال إلا الكامل فأمرهم أن يعيدوا هذه الخميصة المعلمة إلى المهدي أبي جهم حتى لا يكون في قلب أبي جهم شيء من رد الهدية وليطمئن قلبه أمرهم أن يأتوه بكساء أبي جهم الذي لم يعلم وهذا من كمال هديه صلى الله عليه وسلم. Le sens général du hadith. Abu Jahm a offert au prophète صلى الله عليه وسلم une chemise qui avait des traits. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, parce qu'il a un comportement plus que louable, a accepté ce cadeau de la part d'Abu Jahm رضي الله تعالى عنه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a prié en étant revêtu de cette khamisa. Et parce que la khamisa comporte des traits, cela a attiré l'attention du prophète صلى الله عليه وسلم et cela l'a distrait dans sa prière. Or le prophète عليه الصلاة والسلام est complet ou a une présence du cœur complet dans sa prière sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète alayhi sallatu wa sallam est complet dans sa personne et les actes qu'il fait alayhi sallatu wa sallam ne peuvent donc être que parfaits. Ainsi le prophète alayhi sallatu wa sallam a ordonné à ses compagnons de rendre cette khamisa à Abu Jahm, et afin que il n'y ait rien dans le cœur d'Abu Jahm, dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rende ce que Abu Jahm lui a offert, et afin que son cœur soit apaisé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons deux choses. Première, de rendre la khamisa que Abu Jahm lui a offert, et de deux, de demander à ce que Abu Jahm donne, non pas la khamisa, mais al-anbijaniya, qui elle, ne comporte pas de traits, et ceci fait encore partie du comportement parfait du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ma yubkhadu min al-hadith. Est-ce que c'est clair dans le sens général du hadith? C'est clair? طيب. Ma yubkhadu min al-hadith. Mashru'iyatu al-khushu'i fi al-salah wa fi'lu al-asbab al-jalibati lah wa al-ibti'ad 'an kulli ma yushghilu fi al-salah. Ce que nous retient du hadith, première, plusieurs choses. La première, le fait qu'il est légiféré d'être concentré dans sa prière et de faire preuve d'humilité dans celle-ci et de mettre en œuvre les causes qui font en sorte que la personne soit concentrée dans sa prière et également de s'éloigner de tout ce qui pourrait le distraire. On a vu dans le cours précédent l'importance du fait de se concentrer et d'avoir une présence du cœur dans la prière. Eh bien, il faut mettre en œuvre les causes qui te permettent de te concentrer et éviter tout ce qui pourrait te déconcentrer. ثانياً إن اشتغال القلب اليسير لا يقدح في الصلاة. Deuxièmement, le fait que le cœur soit distrait de façon minime n'a pas d'influence sur la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été distrait par les traits de la khamisa. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refait sa prière? Non, donc cela n'a pas d'influence sur la validité de la prière. ثالثا كراهة تزويق المساجد ونقشها والكتابة فيها لما يجلبه من اشتغال المصلين في النظر إليها. Troisièmement, l'on déduit de ce hadith le caractère détestable d'embellir les mosquées et de sculpter l'intérieur des mosquées ou d'écrire à l'intérieur de ces murs, car ceci attire l'attention du prieur et attire le regard du prieur et ainsi le déconcentre. رابعا فيه جواز لبس الملابس المعلمة للرجال. Quatrièmement, il y a dans cela l'autorisation pour les hommes de porter des vêtements qui ont des traits. Car le prophète Hassan n'a pas interdit de les porter. Le prophète Hassan n'a pas interdit de les porter car il l'a rendu à Abu Jahm. Et s'il était interdit de porter un vêtement qui a qui comporte des traits, le professeur Hassan ne l'aurait pas rendu à Abu Jahm ou lui aurait dit soit de la modifier ou soit de ne pas le mettre. Car certains pourraient dire, le professeur Hassan a refusé ce vêtement, donc il est interdit de le porter. Mais vu que le professeur Hassan l'a rendu à Abu Jahm, cela prouve l'autorisation de le porter. خامساً وفيه استحباب قبول الهدية جبرا لقلب المهدي وتوددا إليه. Cinquièmement, on retient de ce hadith qu'il est préférable d'accepter le cadeau de celui qui te l'offre. Ceci pour apaiser son cœur et ceci en guise de douceur vis-à-vis de lui. Sadisan. وفيه أنه لا بأس من رد الهدية لسبب ولكن مع بيان السبب لصاحبها حتى لا يقع في قلبه شيء. Sixièmement, on retient de ce hadith qu'il n'y a pas de mal à refuser ou à rendre un cadeau s'il y a dans cela une cause, à condition d'expliquer cette cause à celui qui l'a offert, afin qu'il ne soit pas vexé et afin qu'il n'y ait pas dans son cœur une rancune vis-à-vis de toi. سابعاً. Et ceci peut arriver, mais arrive souvent à notre époque, où les personnes qui t'estiment n'ont pas forcément les connaissances religieuses approfondi, donc il peut t'offrir quelque chose qui en islam est déconseillé voire interdite. Donc, elle dit, non, je veux pas de ton cadeau, c'est haram. La personne qui est partie l'acheter, elle a dépensé de l'argent, elle voulait te faire plaisir. Il ne faut pas la repousser de la sorte, il faut lui dire, je te remercie pour ton cadeau, je te remercie pour ton attention, cela prouve que j'ai de la valeur auprès de toi, mais j'en profite pour t'enseigner que voilà, telle chose, l'islam nous la déconseille, l'islam nous l'interdit, voilà la preuve, et ainsi expliquer à la personne que l'on refuse ce cadeau, non pas parce que, non pas par méchanceté ou autre, mais parce qu'il y a une raison religieuse derrière cela. سابعا وفيه حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد عليه الكساء المعلم وطلب الكساء الذي ليس فيه أعلام ليعلمه أنه غير مترفع عن هديته. Septièmement, il y a dans cela le bon comportement du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a rendu le vêtement doté de traits et qu'il a demandé à avoir le vêtement qui lui ne comporte pas de traits, afin de faire comprendre à celui qui a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rejette pas son cadeau, qu'il ne rejette pas le fait qu'il lui offre un vêtement. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل والذي يعين على ذلك شيئان قوة المقتضي وضعف الشاغل. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, il n'y a aucun doute que al-waswas, c'est-à-dire les suggestions, le fait d'être déconcentré ou d'être préoccupé, plus ces préoccupations sont moindres dans la prière et plus la prière est complète. Et ce qui aide à avoir le moins possible de déconcentration dans la prière sont deux choses. Awalan quwwatul muqtadi. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah va expliquer par la suite ce qu'il veut dire par cela. C'est-à-dire la force des moyens utilisés et la volonté d'atteindre ce but. Tu veux être concentré, mais il faut tout d'abord que tu aies la volonté et la motivation d'être concentré dans ta prière. Car certains ne pensent même pas à être concentrés. Ils veulent être concentrés sans en avoir le besoin ou l'envie ardente avant de commencer la prière. Donc si tu veux être concentré dans ta prière, premièrement il faut déjà que tu le veuilles de façon forte et de façon appuyée. « Wadha'afu shagil » et le deuxième moyen qui va te permettre, c'est d'affaiblir tout ce qui pourrait te distraire. D'affaiblir toutes les causes, ou de t'éloigner de toutes les causes qui pourraient te distraire. أَمَّا الْأَوَّلْ فَاجْتِهَادُ الْعَبْدِ فِي أَنْ يَعْقِلَ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ وَيَتَدَبَّرَ الْقِرَاءَةَ وَالذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَيَسْتَحْضِرْ أَنَّهُ مُنَاجٍ لِلَّهِ تَعَالَى كَأَنَّهُ يَرَاهُ فَإِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليه أوكد وهذا يكون بحسب قوة الإيمان والأسباب المقوية للإيمان كثيرة فإنما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له خوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما ويقوي ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وأظهر فقره إليه في عبادته واشتغاله به فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويتلذذ بذكره ولا حصول لهذه إلا بإعانة الله ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Quant au premier moyen qui permet d'être concentré dans la prière, c'est l'effort que va faire le serviteur d'Allah Azzawajal a raisonné et a médité sur ce qu'il dit et sur ce qu'il fait. De méditer la lecture du Coran qu'il lit. De prendre, d'avoir conscience du sens des rappels qu'il dit ainsi que des invocations qu'il adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prieur doit avoir à l'esprit qu'il est en train de converser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Que le musulman est dans une conversation avec Allah azawajal lorsqu'il prie. Ainsi, il doit avoir cela dans son esprit. Et il doit vouloir adorer Allah azawajal comme s'il le voyait. Et même s'il ne le voit pas, il sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Ainsi, celui qui prie dans cet esprit, eh bien, goûtera à la douceur de la prière. Et ceci lui fera augmenter sa foi. Car, et également ce qui aide à augmenter la foi et à être concentré dans sa prière, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de l'aimer, de le craindre, d'être sincère vis-à-vis de lui subhanahu wa ta'ala, de le craindre et de l'espérer. Et les gens sont différents sur ce point-là. Deux personnes peuvent prier l'une à côté de l'autre, l'une est dans un monde et l'autre est dans l'autre monde, alors qu'ils prient derrière un seul imam. Mais le premier, eh bien, écoute attentivement la lecture de l'imam, sait que Allah subhanahu wa ta'ala le voit, il sait que il comprend les paroles de l'imam, il médite les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont récitées. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, eh bien, il a conscience de l'importance de cette parole et de tout ce qu'elle signifie, qu'Allah azawajal est plus grand que toute chose, qu'il n'y a rien plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et une chose, plus elle est grande, et plus on la redoute. N'est-ce pas? Quand on voit, je ne sais pas moi, un immense bœuf, automatiquement on est pris tout d'abord d'étonnement, mais si c'est d'étonnement, d'admiration, etc. Donc Allah Azza wa Jalla est plus grand que toute chose, donc c'est lui que tu dois le plus admirer, c'est lui que tu dois le plus redouter, c'est de lui que tu dois le plus espérer subhanahu wa ta'ala. Donc il faut avoir à l'esprit le sens de toutes ces invocations que l'on dit, de tous ces rappels que l'on dit dans notre prière. Et bien sûr, tout ceci ne peut avoir lieu qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa jalla ne t'aide pas à cela, eh bien, tu ne pourras pas arriver au but attendu, car la force n'est présente que dans Allah subhanahu wa ta'ala. الثاني زوال العوارض وهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يفيده من في عبادته وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة وهذا في كل عبد بحسبه فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها والعبد الكيس اجتهد في كمال الحضور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Et le deuxième moyen qui permet d'être concentré dans sa prière et de ne pas être distrait durant celle-ci, c'est de délaisser tout ce qui pourrait s'interposer entre toi et ta concentration dans la prière. Et d'éviter tout ce qui pourrait distraire ton cœur ou amener ton attention vers autre que la prière. Et là encore, chaque personne est particulière dans ce point de vue. Et il faut savoir que la distraction de la personne est proportionnelle à ses ambiguïtés et à ses passions. Si ton cœur est attaché à la dunya, alors lorsque tu vas prier, tu ne vas penser que qu'à celle-ci. Si pour toi tu donnes de l'importance à ta maison et tu donnes une importance disproportionnée à ta famille, eh bien, il est normal que dans ta prière, tu vas penser à ta maison et tu vas penser à ta famille. Mais si ton amour le plus grand est pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu combats tes passions, eh bien, lorsque tu seras dans ta prière, tu seras concentré et tu prendras conscience que tu es debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le musulman doit faire un effort, et c'est un effort qui doit être produit avant chaque prière. C'est un travail, un exercice de tous les jours et de chaque prière. Car le diable est là pour te distraire dans ta prière. Et il y a même un diable qui a un nom qui m'a échappé. Un diable qui a un nom bien précis et qui a pour unique fonction de distraire les prières. De distraire les prières, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné beaucoup de conseils, notamment pour ceux qui prient en groupe, de ne pas laisser d'espace entre nous, de coller les chevilles aux chevilles, les épaules aux épaules, car s'il y a un espace, eh bien, c'est un espace dans lequel passera le diable pour semer la discorde et pour déconcentrer les prières. Et le cheikh termine en disant qu'il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut et l'Immense. On aktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.